Est-ce que le sens de l'humour protège un peu de la prison? Il ne faut pas sombrer, voir tout en noir, parce qu'après 3 ans de prison, si on n'a pas un bon moral et un nerf d'acier, vous coulez, vous finissez pendu à une corde, quoi. Donc il faut être réaliste aussi, quoi. Moi, je crois qu'il faut être positif parce qu'on n'a pas d'autre choix. De toute façon, sinon, on descend encore plus mal. Voilà. Maintenant, est-ce qu'en prison, j'ai beaucoup d'humour, beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins intelligemment et plus bêtement? Je me prends pour une ado qui rigole pour n'importe quoi. Je me reconnais même pas. Je fais piquer des fous rires, mais des imbécilités. Quand je vois les autres rigoler de ça, je me dis, mon Dieu, que c'est... Ils sont bizarres, ces gens. Voilà, je rigole avec n'importe quoi parce que je crois que c'est nerveux. C'est plus par stress, mais c'est pas par envie. Et à la limite, je me reconnais plus parce que je rigole plus de la même façon. Alors qu'avant, j'avais de l'humour, j'étais quelqu'un de très ouvert, mais ici...